Plage 8, méditation semi-guidée. Lors des exercices précédents, nous avons travaillé sur des thèmes communs à tous. L'argent, l'amour, le travail, le bien-être, la confiance en soi. Mais il vous est peut-être arrivé, enfant, de vivre certaines situations problématiques qui ont engendré des programmations erronées qui vous bloquent dans votre vie d'adulte. Ce peut être un accident dont vous avez été témoin ou victime, ou bien de la violence, des crises de panique déclenchées par un proche, une forme d'humiliation, tout est possible. Attendu que je ne connais pas vos vies individuellement, je vous propose de traiter ce problème grâce à cette méditation semi-guidée. À vous de choisir l'événement qui vous paraît être responsable de cette programmation et qui, encore une fois, s'est produit alors que vous aviez entre 0 et 12 ans. Réglons ce problème une bonne fois pour toutes. Conservez l'état de relaxation dans lequel vous êtes grâce à la plage 3 de cet enregistrement. Respirez profondément et gardez les yeux fermés. Pour commencer, je vous demande de visualiser le lieu où l'événement s'est produit. Faites appel à tous vos sens, c'est important. Touchez les murs, les meubles, s'il y en a. Si c'est en extérieur, baissez-vous et passez votre main sur le sol. Prenez des objets. Sentez les odeurs, les parfums. Écoutez les bruits, les mots, la musique, s'il y en avait. Dans ce lieu, voyez les protagonistes, y compris l'enfant que vous étiez. Observez ce qu'il se passe. Ressentez la scène ainsi que les sentiments de votre enfant. Revivez-la. Pesez l'impact et le poids sur votre jeune vous de ce qui est en train de se produire. Observez son visage. Regardez attentivement et écoutez ce qu'il se dit. À présent, allez chercher l'enfant et mettez-le à l'écart de la scène. Éloignez-le. Accroupissez-vous pour être à sa hauteur et enlacez-le pour le rassurer. Dites-lui des mots qui vont commencer à le soulager de cette pression. Prenez votre temps. Mettez-y tout votre cœur. Si votre enfant est le seul acteur de cette scène, alors continuez comme ça pour l'instant à le rassurer en demeurant auprès de lui. Si d'autres personnes sont impliquées dans l'événement, alors amenez-le à elles, tranquillement. Éloignez-vous légèrement de l'enfant, mais restez à portée de vue et d'oreille. À partir de maintenant, je vous demande de tapoter vos cuisses avec vos mains, comme je vous ai appris à le faire, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Entendez l'autre personne lui expliquer le pourquoi du comment de cette situation. Sentez que votre enfant comprend ce que lui explique la personne. Il commence à être rassuré. N'hésitez pas à visualiser l'enfant en train d'expliquer son malaise à l'autre personne. Celle-ci poursuit ses explications et le rassure. Ressentez que la pression de l'enfant est beaucoup plus légère, car à présent, la personne lui a expliqué ses motivations. L'enfant et la personne se serrent dans les bras l'un de l'autre, tout est clair à présent, la paix s'est installée. Maintenant, vous prenez l'enfant par la main pour vous isoler avec lui. Vous êtes dans un endroit tranquille de la scène. Vous vous placez à sa hauteur et vous commencez par lui expliquer la situation en tant qu'adulte. Vous le rassurez à votre tour. Continuez à lui parler en lui expliquant en détail que plus tard, c'est exactement l'inverse de ce qui vient de se produire qu'il vivra quotidiennement. Vous lui livrez les clés de son problème avec la maturité de l'adulte qu'il est devenu. Attention, n'utilisez pas de phrases négatives. Par exemple, au lieu de dire « tu ne subiras pas de violence », dites-lui « tu vivras dans la paix et dans l'harmonie ». Continuez et ressentez le mieux-être s'installer en lui. À présent, dites-lui que vous serez toujours là pour lui. Rempli d'amour envers cet enfant que vous étiez. Demandez-lui s'il est d'accord pour aller dans le sens que vous venez de lui expliquer. entendez-le vous dire que oui, il est d'accord. Prenez un peu de temps pour ressentir ce nouveau bien-être chez votre enfant. Observez le grand sourire qui se dessine sur son visage. Sentez que maintenant, rien ne sera plus comme avant, ni pour lui, ni pour vous. Maintenant, serrez votre enfant dans vos bras et embrassez-le. Il est heureux et vous aussi. Dites-lui encore une fois que vous l'aimez. À présent, vous pouvez arrêter de tapoter vos cuisses. Vous vous éloignez progressivement de la scène en faisant au revoir de la main à l'enfant. Il vous répond, il sourit. Si vous souhaitez continuer à traiter d'autres domaines de votre passé en retournant vers les plages ultérieures, alors gardez simplement les yeux fermés et une respiration profonde. Si vous désirez interrompre le travail et poursuivre ultérieurement, alors vous allez pouvoir revenir ici et maintenant au décompte de 5. 5 4 3 2 1 Prenez votre temps et profitez encore un instant de l'état de bien-être dans lequel vous devez vous trouver. Vous pourrez revenir à cette méditation autant de fois que vous le voudrez afin de traiter les aspects de votre enfance qui le méritent. Et ainsi, vous défaire du poids du passé et vivre votre vie en toute liberté.